Tuona watu wanafika mbele ya wakati. Et sont bénis. Na kisha bana barikiwa. Bantu bazamani. Les anciens là. Banafika paka mu retard. Ils viennent toujours en retard. 16h30. Il est 16h30. John Ngam salle de bain. C'est là, il entre maintenant dans son dans salle de bain. À 8h30, mais il va laisser la veille. Il sait que l'église ou le culte commence à 8h30. Là, il n'y a pas de problème. Si à toi, Inès, nous n'avons pas encore tout eu. Tout à ta foute amour. Nous allons chercher l'Éternel. À toi, Inès, nous n'avons pas encore tout eu. Tout à ta foute amour. Nous allons chercher l'Éternel. C'est la différence avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble. On a grandi ensemble. On dormait sur le même lit. Dieu lui-même dit que deux qui seront sur le même lit. L'un l'a pris, l'un l'a ici. C'est pour dire que vous pouvez faire les mêmes choses. Vous pouvez faire les mêmes choses. Mais, quittons les habitudes parce que nous devons être bénis. Tu n'as pas choqué par qui ou à tout ton que mazoezo. 200 tu tournes en rond. 2025 en train de se terminer. Et moi que yo n'est pas comme Alizika. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Nza bomba Mungu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Nini Mungu atafanya. Vous savez, quand nous sommes là, il y en a qui espèrent que non, Dieu va faire demain. Wakati kwa hapa bingi mtumaini kama Mungu atatenda kesho. C'est une mauvaise attitude. Ile ni hali ya mubaya. Quand tu viens dans l'église. Wakati unakuwa kanisani. Dis-toi c'est aujourd'hui. Semezana kama mambo yangu ni leo. C'est aujourd'hui le jour de ma délivrance. Ni leo ndio nitapata ufungulifu wangu. C'est aujourd'hui le jour de ma guérison. Ni leo ndio nitapata matunzo yangu. C'est aujourd'hui le jour de ma bénédiction. Ni leo ndio nitabarikiwa. Ni leo tu. Ta façon de prier va changer. Na hali yako namna yako kuomba itachanisha. Namna yako kuimba tena itabadilika. Je nous vois santé. Tuna tuona kuimba. Je nous vois santé. Tuna jiona tukunaimba. Je nous vois. Tuna jiona tukunaimba pamoja. Santé. Kuimba pamoja. Quand je vous regarde. Wakati nikuna waangalia. Le cœur n'est pas là. Mioyo haina hapo. Je regarde le protocole. Naangalia walinda salama. Quand je regarde marcher servi. Wakati akona kuna tumika na kutembea. Ce n'est que le corps. Ni mwili tu bure. Nous sommes assis là. Tuliseikala hapa. Pour la plupart. Kwa wengi katikati yetu. C'est le corps. Ni mwili tu. Le cœur. Lakini moyo. Celui qui aime que sa vie puisse changer. Un père avait deux enfants. Baba moi quoi n'est pas toi Willy. Tous étaient dans la même maison. Mais on a donné à celui qui a demandé. Donne-moi la part de mon héritage. Baba unipe sehemu ya urithi wangu. Le père n'a pas refusé. Baba akumkatalia. Le père lui a donné. Baba alimupatia. Il lui a donné parce qu'il a demandé. Alimupatia sababu alimuomba. Bien-aimé, que ce soit les dons de l'esprit, que ce soit les dons physiques, ton attitude est très importante. Ne t'habitue pas à l'église, je t'en supplie. Fais un vœu avec Dieu. Mungu, t'as fait un coup fou, nous sommes en retard au canis. Seigneur, je ferai le tout pour que je n'arrive pas en retard à l'église. Et puis quand on fait mon canis, nous tafuta Mungu, dès que tu es à l'église, sois attentif là que tu aies quelque chose de la part de Dieu. C'est vrai que quand tes pensées ne pas que tu vas quand tu m'as fikili yako et ton cœur. Na moyo wako. Parle le même langage. Katika usemi mmoja. Que les choses commencent à s'opérer maintenant. Sasa vitu vitaanza kutendeka pole pole. Je parle comme à mes enfants. Nasema kama vile baba anasema na watoto wake. Chaque fois je me dis Seigneur, il faut que ça change. Pourquoi ça ne change pas? Kila wakati naomba Bwana sherti ibadilike. Kwa nini bigeuke bibadilike? voir des gens qui étaient ici montés. Waza kuona mtu ananza hapa anapanda. Même n'ont pas soif. Lakini ndani yao amuna kiu. Comment voulez-vous que Dieu vienne vous remplir quand vous n'avez pas soif? Unapenda namna gani Mungu akujaze kama una na kiu ndani yako? Plusieurs personnes peuvent avoir pitié de toi, c'est bien. Et si Dieu il n'a pas compassion de nous, en tout cas nous perdons inutilement notre temps. Il faut se révolter. Même quand on écoute la parole de Dieu, on ne peut pas écouter la parole de Dieu, on n'a pas incarné, on n'a pas un but. Auta sika non la Mungu hauna na karatasi na hauna na kalamu ya wiko juu kuandika. Si on était très intelligent. Ataka mlikuwa na akili kabisa. Écrit. Andika ako tu. Va lire à la maison. Utaenda kusoma tena kunyumba. Plus tard ça va t'aider. Ah, masiku ijayo tena itakusaidia. Tu auras un problème. Siku moja utapata tatizo. Le Saint-Esprit t'amènera à un mot. Roho Mtakatifu atakusukuma kutamko wana msemi moja tu. Na maisha yako itageuka. Alleluia. Amen. No, il faut que ça sonne, Seigneur. Fazali bwana bintu bigeuke. À la source féconde. Uchemchemu la uzao. No, il faut que ça change. Fazali bintu bigeuke. La vision que Dieu m'avait montré de cette église. Ile onyo Mungu anyoneshaka juu ya kanisa. J'ai dit à Dieu. Nimwambia Mungu hivi. Très par là, je voyais cette vision. Yanze kuingia kule naona onyo ile. J'ai vu cette vision. Niliona onyo ile. J'ai dit non Dieu. Pana Mungu. Fait le temps est arrivé. Sasa wakati nayo inatimu. Dispose ton cœur. Basi tayarisha moyo wako. Si tu as l'attitude, tu attends. Comme on a les moyens, et là tu attends que je suis habitué. C'est comme ça que je fais. Je veux te voir béni. À peine d'accord, on a ouvert vos barricades. Je veux vraiment te voir béni. À qui qu'on a peine d'accord, on a ouvert vos barricades. Il faut que ce jour-là, moi aussi. Que je présente à Dieu, Seigneur, voici. Nimuoneshe kwa Mungu sema Bwana tazama. Voici grâce. Tazama fulani. Tazama fulani. Je fais quelque chose sur la terre. Nilifanya kitu fulani pa dunia. Et c'est pourquoi je vous parle comme ça. Ni kwa maana nawaambia hivyo. Wow, wow, wow. Dieu est merveilleux. Mungu ni mwema. Dieu est merveilleux. Hakika Mungu ni mwema. Quand on s'accroche à Dieu. Wakati tunaambatana naye. J'ai cru au Seigneur à 20 ans. Nilimwamini Bwana kwa umri wa miaka 22. J'ai commencé à marcher avec Dieu. Kaanza kutembea pamoja naye. Étudiant en prépo. Niko najifunza mu prépo. Simplement, mais toujours avec la soif. Na kila wakati niko tu na kiu, niko na kiu. Ayez soif. Muwe tena na kiu. Soif de Dieu. Kiu ya Mungu. Les enseignements que nous vous donnons. Mafundisho tuko na wapatia. Ça dépend de votre disposition de cœur. Iko naomba kwa na utayari wa moyo. Pour que ça change votre vie. Ili maisha yenu ipate kubadilika. Dieu est présent. Mungu eko hapa eko tayari. On le sentait même, j'aime ta présence. Kwa naimba napenda uwepo wako Bwana. Les gens sont. Tunaimba vile juu ya uwepo ya Bwana watu beko mbali kabisa. Chanter ce cantique. J'aime ta présence, Seigneur. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, pendwa mbele ya uwepo ya Mungu. Aujourd'hui, je dois recevoir. Sema kama leo tu sherti ni amini pokee. La présence de Dieu. Uwepo ya Mungu. Le Dieu créateur. Mungu huyu muumbaji. Au-dessus de tout sur la terre. Eko yule maneno yote pa dunia. Celui qui peut changer ma vie aujourd'hui. Yeye ndo geuza leo leo na sasa hivi. La vie d'un homme. Maisha ya mutu. Change dans des secondes. Iko na badilika mudakika tu. Soit en bien, soit en mal. Wala mbizuri, wala mbibaye. Mais c'est Dieu qui peut changer en bien. Uyu Mungu ndo geuka geusha byote mbizuri. Il est présent. Eko tayari. Le maître de tout. Yeye anaongoza byote. Je le laisse partir. Mimi na mwacha aende tu bure. Je le touche. Bila kumugusa. Ah non. Hapana. Non. Hapana. Moi je veux qu'aujourd'hui ma vie change. Ninapenda leo maisha yangu yeuke. Je n'attends pas demain. Misiongoje kesho. Non, demain c'est un autre jour. Ya kesho ni mambo mengine. Aujourd'hui. Lakini leo. Si je rate. Kama napusa. Qui fait l'accident. Komundo anafanya msiba. Aujourd'hui. Leo leo. Une décision qui doit être prise. Là on est en train de citer désirer. Kuna tayari kutaka jina yangu le. Na paso kufanya kazi. Kama Mungu ako hapa. Anapaswa kubadilisha vitu. Pas changer. Sherta badilisha vitu. Oh merci Jésus. Seigneur, je te bénis. Alléluia. Je te bénis Jésus. Tu ne m'as jamais abandonné. Alléluia. Quand les hommes vont dire que c'est fini dans la vie de quelqu'un, si Jésus. C'est alors que toi tu commences. Quand les pleurs ont dépassé. C'est toi qui viens arrêter le deuil. Oh Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Tout ne dépend que de nous. Yote nelekea paka sisi wenyewe. Ésaïe chapitre 33 verset 22. Isaïe 33 22. Parce qu'aujourd'hui c'est la prière. Je sens qu'on doit prier. Shikia kama tunapaswa kuomba leo. Je sens qu'on doit prier. Shikia kama tunapaswa kuomba leo. Je récapitule rapidement et je donne le point qui doit rester dans les définitions. On va prier. Narudia mtu kwa haraka na nitaleta manukta yabaki yako kuleta maana yake kisha tuombe. La Bible me dit. Biblia inasema car l'Éternel est notre juge. Ba wa milele ndiye mwamuzi wetu. L'Éternel est notre législateur. Na yeye ni yeye mtunga sheria wetu. L'Éternel est notre roi. Na yeye tena ni mfalme wetu. Deux points. Nukta mbili. L'objectif. Manake fukuzio c'est de nous sauver. Ni ili sisi tuokolewe. Ses enfants, l'objectif c'est de sauver. Kwa ajili ya watoto yake ni baokolewe. Et je parle de ce Dieu. Nasema huyu Mungu qui est toutes ces trois choses envers ses enfants. Eko na bitu yote tatu hivi kwa ajili ya watoto yake. Je ne parle pas du jugement de Dieu envers ce monde. Sema kwa ajili ya hukumu ya Mungu na hii dunia. Je ne parle pas du jugement de Dieu envers le diable. Si sema kwa hukumu ya Mungu mbele ya shetani. Je parle de comment Dieu est juge envers ses enfants. Nasema kama kani Mungu anakuya mwamuzi mbele ya watoto yake. Et nous avons dit qu'un juge. Tulisema kama mwamuzi. Il est appelé à trancher les litiges. Kazi yake ni kukata mambo. Il est aussi un arbitre. Naye tena ni arbitre. Arbitre signifie qu'il y a match competition. Maana kuna kuya kabumbu ule alikuwa katikati ya bote mbili. Et puis il décide de la suite. Kisha anakamata mpango ya ili tafata baadaye. Oh Dieu est notre arbitre. Uyu Mungu anakuya arbitre wetu. Il est notre arbitre. Ni yeye arbitre wetu. Quand on joue un match. Wakati mati unachezewa. Il est toujours en faveur de notre équipe. Yeko pa kungambo yetu tupate na ushindi. Dieu est notre arbitre. Mungu anakuwa arbitre wetu. Nous avons dit le mercredi. Tulisema siku ya kazi tatu. Dans Genèse chapitre 31. Mkitabu ya Mwanzo 31. Dieu a pris part. Mungu alikamata yako sehemu. Laban voulait tuer Jacob. Basi Laban alipenda kumuua Yakobo. Dieu lui dit tu ne peux pas. Mungu anasema la, hautapima. Je suis du côté de Jacob. Niko ku ngambo ya Yakobo. Dieu est notre juge. Pendo Mungu ni mwamuzi wetu. Il est notre arbitre. Ndio yeye anakuwa arbitre wetu. Oh bien-aimé, aujourd'hui. Basi leo. Quelque part. Kuna kwa fasi moja. Il y a un jury qui est en train de se faire. Kuna kuya baraza moja iko nakusanyika. Un jury qui se fait. Kuko baraza moja nakusanyika. Je te dis une chose. Nakwambia kitu kimoja. Dieu sera dans le jury. Uyu Mungu atakuwa ndani ya ile baraza. Pour décider de ton sort. Ili akamate mambo juu yako. Pour décider de toi. Akamate mambo yako. Ça c'est Dieu qui est notre juge. Uyu ni Mungu anakuya mwamuzi wetu. Et puis on nous dit. Kisha mara tuambia tena. Dimanche je vais parler de ce que Dieu est notre juge. Siku ya Jumapili tutazungumzia kwa nini Mungu anakuya mwamuzi wetu. Sipokuwa zore le temps pour parler de ces choses. Takona wakati ya kuzungumzia maneno haya. Parce que toute la nuit le Seigneur est en train de me montrer ces choses. Mungu alikuwa anionyesha usiku wote maneno haya. Deuxièmement, kitu ya pili, on a dit il est notre législateur. Tulisema mwenye kutungia sheria. Dieu fait des lois. Mungu anatunga masheria. C'est dans ce monde. Unajua ndani ya dunia hiyo, il y a plusieurs lois. Huko masheria mbali mbali. Il y a plusieurs lois. Huko masheria mbali mbali. Écoutez-moi bien-aimé. Sasa mnisikie vizuri wapendwa. Dans ce monde, dunia humu, il y a plusieurs horloges. Muko masa ya mingi. Plusieurs horloges. Ah, muko masa ya mingi tura. Il y a l'horloge biologique. Kuko sa ile ya kuzaliwa, ya kizazi. Non. Biologique. C'est dans ton corps. Manake, ndani ya mwili yako. Sans qu'on te dise quelque chose, tu sais que tu te réveilles à 5h. Ah, bila bakwambia na bakusukume tu saa ya 7h unaamuka. Si un jeune homme ou une jeune fille atteint l'adolescence, il y a des choses qui se font, c'est l'horloge biologique. Kama msichana anaenesha na miaka moja fulani, mko bintu inafanyika mwili yake ni wakati inenea sasa ya saa ile. Dans ce monde, ndani ya dunia, il y a aussi l'horloge sociale. Muko tena saa ya kuishi katikati ya watu. Il y a des choses. Muko vitu. Il faut le faire à un temps donné. Si tu rates ce moment, fazali uitende kwa wakati yenye kuenea ukipuza ile wakati. Ça commence à être compliqué. Inaanza kuya bigumu kabisa. Tu arrives à 45 ans, tu n'es pas marié. Ukifika miaka 45 kama hauyaolewa au yaoa. Il faut tenir compte aussi de l'horloge sociale. Ya hapa angalia mambo ya saa ya katika kikundi na watu. Il y a aussi l'horloge ecclésiastique. Kuko na saa tena ya kidini. Donc il y a plusieurs horloges. Kuko masaa mbali mbali. Tu peux regarder telle horloge. Unaweza kuangalia saa moja fulani. Unaweza kutengeneza saa fulani. Mais quand on dit que Dieu est notre législateur. Kama sema Mungu ni yeye unatunga masheria yetu. Quelque part il est notre horloge. Maana yake anakuwa saa yetu. Il est notre loi. Yeye ndio sheria yetu. Il ne veut pas que nous fonctionnons en fonction des autres lois. Apende tutumike kufuatana ma sheria nyingine. Il veut que nous puissions fonctionner suivant sa loi. Anapenda tutumike kadiri ya sheria yake. Jacques 4, 12. Jacobo sura ya 4, 12 ou 13. Mieke kwenye kibao. Jacques 4, 13. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Chapitre 4, verset 12. Sura yake ya ine, mustari kusoma wa 13. Voilà. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Un seul. Umoja. Est législateur. Ye ndio mtunga sheria. Un seul. Umoja tu. Est-ce que tu reconnais ces choses? Basi unatambua maneno haya? Que dans ta vie, ya kama maisha yako, un seul est législateur. Mmoja tu ndio alikuwa mtunga sheria. Alors pourquoi tu acceptes les autres législateurs? Kwa nini unakubali tena mtunga sheria wengine? Pourquoi tu acceptes les autres lois? Kwa nini unakubali masheria nyingine? Il n'y a que Dieu. Ni paka Mungu qui peut sauver. Anaweza kuokoa tu. Dieu seul. Mungu peke yake. Mais sur la terre il y a d'autres lois. Lakini pa dunia pako masheria mbalimbali. Il y a plusieurs lois. Kuko masheria mingi. Que nous pouvons catégoriser en deux. Tunaweza kuweka makundi mbili. C'est ce qu'on nous dit dans Romains chapitre 8 verset 2. Ndio wanatuambia Warumi 8 na shairi ya kusoma ya pili. Romains chapitre 8 verset 2. Warumi sura ya 8 sema yako. En effet. Wanatema hivyo hivyo. Le verset commence en effet. Ndio vile andiko inaandika. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Sheria ya roho ya uzima ndani ya Yesu. Nous a libéré de la loi du péché et de la mort. Ilitutosha msheria ya dhambi na ya kifo. C'est-à-dire il y a deux lois. La loi de l'esprit de vie. Sheria ya roho ya uzima. Et la loi du péché de la mort. Na sheria ya dhambi ya kufa. Je disais ici mercredi. Nilisema hapa siku ya kazi tatu. Que le but de chaque maladie. Ya kusema fukuzio ya kila magonjwa. C'est de te tuer. Ni hili ikuue. Et si tu penses que le rhume c'est ton ami, c'est ton problème. Ukizania kama magonjwa ya mafua ni rafiki yako, kazi yako. Si tu penses que le rhume c'est ton ami, c'est ton problème. Kama unazania kama magonjwa kifu ni rafiki yako, kazi yako. Le but de chaque maladie qui intervient dans ton corps. Fukuzia magonjwa aina yote ya magonjwa ndani ya mwili yako. C'est de te tuer. Ni ili uwawe. C'est pourquoi ton attitude quand tu es malade. Sasa ni hali yako wakati unakuwa mgonjwa. Est très importante. Ndio inakuwa ya kutosha zaidi. Tu dis cette loi. On a sema sheria hiyo ne peut pas être dans mon corps. Haitakuwa ndani ya mwili yangu. Non. Hapana. Elle ne peut pas être dans mon corps. Haitakala ndani ya mwili yangu. Je veux la loi de Dieu. Napenda sheria yake Mungu. Oh bien, mais c'est très important de connaître ces choses. Wapendo ni lazima kabisa kuyo maneno haya. Dieu est notre législateur. Mungu ni yeye anatutungia masheria. Troisième pouvoir dans la définition. Na ya tatu katika kutoa kuleta maana yake. Il est notre roi. Yeye anakuwa mfalme wetu. Quand on parle déjà du roi, bakisema kuhusu mfalme, c'est l'homme le plus puissant. Anakuwa ni mtu anakuwa na uwezo kushindia. Il est question de puissance. Ni mambo ya kuwa na uwezo. Il est question de l'exécution de loi. Inakuwa ni mambo ya kutimiza masheria mbalimbali. C'est lui qui exécute les lois. Ni yeye yuko natimiza masheria yote. Alors n'accepte pas dans ta vie. Hapana kubali maisha yako. Que quelqu'un d'autre vienne exécuter ces lois. Mtu mwingine atimize masheria maisha yako. Que ça soit un homme. Iwe mtu. Que ça soit le diable. Iwe shetani. Que ça soit le puissant des ténèbres. Iwe mauwezo ya giza. N'accepte pas. Hapana kubali. Qu'il vienne exécuter leur loi. Akuyatimize masheria yake. Israël vivait toujours. Israël kwa naishi kila siku. En sachant que Dieu est roi. Ya kuyua kama Mungu ndiye mfalme. Et quand il a demandé un roi homme. Wakati alilomba mumpe kumfalme aina ya mtu. Samuel était agité. Samuel aliangaika kabisa. Mettez un peu 1 Samuel chapitre 8. Samuel akwanza sura yake ya 8. 1 Samuel chapitre 8. Samuel akwanza 8. On va y aller rapidement parce qu'on doit prier. Tutaenda haraka sababu tunapenda kuomba. Avec la lumière, je ne vois pas l'horloge. La technique, est-ce que vous pouvez m'aider à mettre même l'horloge là? Je ne vois vraiment pas l'horloge, l'heure. Lorsque Samuel devint vieux, wakati Samuel wezi kwa kuzeuka, il établit ses fils juges sur Israël. Akatunga watu yake kama waamuzi pa Israeli. Verset 4. Je saute. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel. Verset 5. Il lui dit, voici tu es vieux. Tazama, unakomea. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Na batoto yako batembe katika mpito. Maintenant établis sur nous un roi. Sasa utuweke yeko mfalme mmoja. Établis sur nous un roi. Utuweke yeko mfalme mmoja. Verset suivant. Samuel est devenu triste. Samuel akazofika. Il a prié Dieu. Verset suivant. Akaomba Mungu. L'Éternel dit à Samuel. Wamileka mwambia Samueli. Écoute la voix du peuple. Sikia sema kwa watu. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. Sababu haina wewe ule wanatupa. C'est moi qu'il rejette. Ni mimi ule wanatupa. Afin que je ne règne plus. Ili nishimiliki tena. On dit que je ne règne plus. Anasema nishitawale tena. C'est-à-dire qu'avant il faisait quoi? Maana yake mbele alikuwa anafanya nini? Avant il régnait. Mbele alikuwa anatawala. Avant c'est Dieu qui était roi. Mbele ni Mungu alikuwa mfalme. Dieu quand il est roi. Wakati Mungu eko natawala, il y a des choses qui changent. Kuko vitu viko nabadilika. J'ouvre une parenthèse. Nafungula kumkata kidogo. On dit à Samuel, non. Quelqu'un d'autre. Wanaambia Samuel tutafuta mtu mwingine. Samuel veut justifier. Yeye alipenda kujitetea mwenyewe. Je dis à Samuel laisse le. Mungu anamwambia Samuel uache hivyo. Eh, voyez Samuel. Wao walikuwa wanamuona Samuel. Au lieu de voir Dieu. Kabla ya kumuona Mungu. Parfois vous nous voyez nous. Mara nyingine mnatuonaka sisi. Au lieu de voir Dieu. Kabla ya kumuona yeye Mungu. Beaucoup de gens dans les églises. Na watu wengi ndani ya makanisa mbalimbali. Oh des problèmes. Beko na matatizo. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. Parce au lieu de voir Dieu. Kabla ya kumuona huyu Mungu. Parfois il voit le pasteur. Wewe unaona mchungaji. Parfois on va pas vous dire non Dieu m'a dit. Mara nyingine watakwambia Mungu aliniambia. Non non faites ceci. Fanya tu hivi. Hapana. No. Hapana. No. Si vous êtes ombaka, c'est tous nous prions, ça c'est vrai. Mais qu'il a monté la case. Chacun a un travail spécifique. C'était, on a dit à Moïse, tu penses que Dieu ne parle qu'à travers toi, Moïse? Mais mon bien Moussa, parce que mon gars, tu m'as pas connu, ouais, tu Moussa. Et Moïse est parti dire à Dieu. Moussa, il a commandé à mon gars. Écoute ce qu'ils ont dit. Chiki a vu le banasema. Dieu leur a dit. Mungu alimwambia s'il meurt d'une mort normale. Kama anakufa kwa kifo cha kawaida. C'est que Moïse n'est pas serviteur de Dieu. Maana yake Musa hana mtumishi wa Mungu. Et Moïse a dit non non mubache na mambabula yabo na biungu mwende. Moïse elle a dit laissez-les avec les brasiers comme ça. Pendant que se sont éloignés. Wakati walijitenga mbali. La terre a ouvert sa bouche. Na udongo ilifunguka. Pour la première fois. Kwa mara ya kwanza. Watu wanaingia na mababula chini ya bulongo. Les gens ont entré avec leur brasier sous la terre. Na biungu na batoto na manzana. Avec les casseroles avec tout. Et après encore la terre s'est refermée. Et les gens ont eu peur. Na watu baliogopa kabisa. Dieu dit à Samuel laisse. Mungu anamwambia Samuel acha tu. Qu'est-ce que je veux dire? Napenda kusema nini hapa? Israël. Uyu Israeli vivait toujours en espérant que Dieu est le roi. Alikuwa naishi siku zote na kutumaini kusema Yesu au wala Mungu ndio mfalme. J'ai dit que c'est un jour de prière. Nasema leo ni siku ya maombi. J'aimerais qu'on puisse prier. Napenda tu tuombe. Ésaïe chapitre 26 verset 13. Isaïe 26 13. Ésaïe chapitre 26 verset 13. Ah ouais, Nabi Isaïe 26 13. La technique, soyons ensemble. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un lit cette Bible, nasema. Éternel notre Dieu. Wa milele Mungu wetu. D'autres maîtres que toi. Ba bwana bengine nje yako. Ont dominé sur nous. Balitawala juu yetu. D'autres seigneurs que toi dans notre vie. Mabwana bengine inje yako wewe Mungu. Ont dominé sur nous. Walitawala juu yetu. Mais c'est grâce à toi seul. Alakini kwa ajili yako wewe peke que nous invoquons ton nom. Ndio maana tunaita jina yako. D'autres maîtres. Ba bwana bengine. Que toi. Kushini bali yako wewe. Dominer sur nous. Bali tawala juu yetu. Donc Israël a réalisé un moment donné. Israël yangalia wakati moyo fulani. Quand il regarde sa vie. Wakati anaangalia maisha yake. Il dit non, ce n'est pas Dieu qui domine sur moi. Sema hapa ina Mungu anatawala juu yetu. Ce n'est pas Dieu. Aina Mungu. Quand il regarde sa vie, il dit que ce n'est pas Dieu qui domine sur moi. Anasema gisi alisema ka aina Mungu anatawala juu yangu. À un moment donné, regarde ta vie. Wakati fulani chunguza kwanza maisha yako. Qui domine sur toi? Ni nani unatawala juu yako? Israël a réalisé deux choses. Israël tunga vitu viwili. Premièrement, kitu ya kwanza, il a constaté qu'il y avait usurpation du pouvoir. Aliona kama utawala ulibebwa mahali mbaya. Quelqu'un d'autre a usurpé le pouvoir de Dieu dans wengine alinyang'anya tu bila kumpa ruhusa ile uwezo ya Mungu au mamlaka ya Mungu. D'autres wengine. Et la deuxième chose, na kitu ya pili, mais c'est grâce à toi seul. Kwa ajili yako wewe peke. Il a compris. Aliweza kuelewa. Que les gens qui ont usurpé le pouvoir. Ya kama watu bali nyebeba hii weso bila kuwapatia ruhusa. N'avaient pas la légitimité dans leur vie. Aba kukuya na ruhusa kamili maisha yao. Usurpation et légitimité. Maana yake bali beba kwa nguvu na bila kukubaliwa. Quand tu regardes ta vie. Unapoangalia maisha yako. Tu constates que les choses qui règnent dans ta vie ne devraient pas. Ona bitu vinatawala maisha yako. Habikubaliwa. Et comme je l'ai dit au début, ce n'est qu'un problème d'attitude. Il y en a qui acceptent cette attitude-là. Mungina nechika ile hali. C'est ton problème. Tout le monde est en crise. Non, c'est une épidémie. C'est ton problème. Il est ni mambo yako. Tu tombes à mon côté. Ma elfu yangu ngambo ngine. Ma elfu ngine yangu ngambo ngine. Mimi sitaguswa. Sababu pamoja nambi. Quel est le Dieu que tu connais? Ni Mungu wa aina gani unamfahamia? Aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Hakuna ole itagusa chumba yako. Hakuna picha itapisa maisha yako. Oh bien-aimé. Dieu est ton roi. Mungu ndiye mfalme wako. C'est le seul qui doit régner. Ni yeye peke anapaswa kutawala. Pourquoi tu acceptes que ces choses règnent sur toi? Kwa nini unakubali maneno mengine yapate kutawala kwa nafasi yake? Ce n'est pas la faute de Dieu. Ile haina kosa ya Mungu. C'est notre responsabilité. Ile ni madaraka yetu wenyewe. Je refuse aujourd'hui. Mina katala leo. Que cette maladie règne dans mon corps. Hii magonjwa itawale ndani ya mwili wangu. Je refuse que cette épidémie. Mina katala aina ya magonjwa. Il y en a qui sont morts de COVID. Bengine walikufa na COVID. Il y en a qui meurent de choléra. Bengine walikufa na choléra. Il y en a qui meurent du rhume. Bengine walikufa na magonjwa ya mafua. Quand la crise frappe, il y en a qui sont si frappés. Wakati ukiwa unafika na hao tena banaingia mukiwa. D'autres dieux que toi. Miungu ingine kushindia wako. On domine sur nous. Baritawala pa maisha yetu. Frère. Ndugu yangu. Qui domine sur ta vie? Nani kuna tawala juu ya maisha yako? Oh, j'aime un homme comme Elie. Napenda mtu kama Elia. Il se révolte. Alitomboka. Il dit, venez le peuple, venez. Wantu, mukuye sasa. Venez. Kujeni sasa. Akab vient. Oye Ahabu, kuya. Le Dieu qui répondra par le feu. Ule Mungu atajibia kupitia moto. Ça sera lui le véritable. Jo atakuya Mungu wa kweli. Comme toujours, ils n'ont rien dit. Kama vile, abakusema kitu. Qui domine sur ta vie? Na natawala juu ya maisha yako. Qui domine dans ta maison? Na yako natawala mnyumba yako. Et pourquoi tu les laisses dominer? Kwa nini unamwacha yako natawala? C'est grâce à toi seul. Ni kwa ajili yako wewe peke. Vis comme si tu attends que Dieu règne. Ishi kama vile unaona tunga kama Mungu anatawala juu yako. Frère, ndugu yangu. Vivons en attente. Il doit régner. Tuishi kama tunangojea Mungu anatawala juu yetu. Acte chapitre 1 verset 6 à 7 on termine par là. Acte 1 6 commence à monter. Acte chapitre 1 verset 6 à 7. Mwisho paka moya saba. Écoutez, c'est que alors les apôtres réunis demandèrent à Jésus. Basi wa mitume wakakusanyika wakamuomba Yesu. Seigneur, Bwana, est-ce en ce temps? Basi kwa wakati que tu rétabliras la royauté d'Israël. Utaweka tena ufalme wa Israeli. Que tu rétabliras. Utaweka tena. C'est-à-dire, maana yake que la royauté est renversée. Ufalme huu wa kwanza ulianguka. Basi ndugu na dada, la royauté de Dieu est renversée dans plusieurs vies. Ufalme huu ulianguka katika maisha yenye kuachana. Et aujourd'hui, lakini leo rétablir. Mungu anapenda itunge upya. Rétablir de nouveau. Maana yake iweke kwa upya. Il veut en ce temps. Anataka kwa nyakati hii. Il y a 2000 ans. Hapo kuna kwa miaka 2000. Il y a 2000 ans. Kuna kwa miaka 2000. Écoutez la réponse de Jésus. Sikieni jibu yake Yesu. Verset 7. Shairi ya 10 na 7. Akawajibia hivi. C'est pas à vous de connaître le temps. Ene kwa nini kuua nyakati? Ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Wala saa ile Mungu aliweka kwa ajili ya utawala wake mwenyewe. Ça signifie que Dieu est roi. Maana yake il a le pouvoir de fixer. Mungu ndio kuna mamlaka ya kuweka. Alors le verset 8 que nous connaissons. Shaili ya 8 tunafahamia vizuri. Vous recevrez une puissance. Si mtapokea uwezo mmoja. Dans le royaume de Dieu. Katika ufalme wa Mungu. Il y a une puissance. Unakuwa uwezo. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Quand le Saint-Esprit est arrivé. Wakati Roho Mtakatifu alifika. C'est un signe de la puissance. Kwa ni alama ya uwezo ya ufalme wa Mungu. Ndugu na dada, le Saint Esprit. Pamoja na Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu. Na Roho Mtakatifu. Imefungwa, imefunguliwa. Na Roho Mtakatifu. Unaweza kupokea tena. C'est un signe. Ni alama. De la puissance du royaume de Dieu. Ya uwezo ya ufalme wa Mungu. Si le Saint Esprit n'était pas descendu. Kama Roho Mtakatifu kuweza kushuka. Poser la même question. Angaliweza kuuliza ulizo moyo moyo. Quel temps? Wakati gani? Mais quand le Saint-Esprit est arrivé. Wakati Roho iliweza kufika. Oh frères et sœurs. Basi ndugu na dada. Les choses ont changé. Vitu vilibadilika. Les choses ont changé. Vitu viligeuka. Quand Hérode a dominé sur l'église. Wakati Hérode aliweza kutawala juu ya kanisa. Ils ont fait la prière. Balifanya malombi. Ils ont prié. Baliomba. Ils ont dit ceci. Balisema hivi. Seigneur, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Bwana wewe ulisema kupitia Roho Mtakatifu. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Kwa nini kunaona huku ndani ya makutano? En effet. Akini. Contre ton saint serviteur Jésus. Mbele ya mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hérode et Ponce Pilate. Hérode na Ponce Pilato. Se sont ligués. Je suis dans Acte chapitre 2. Tukumtendo la mitume sura ya 12. Se sont ligués. Baliweza kusanyika. Pour faire ce que toi tu avais prévu d'avance. Juu ya kuweza kufanya ile ulitayari saka mbele. Et maintenant. Sasa hivi. Vois leur menace. Ona mashambulio yao. Oh bien-aimé. Mpendwa. Et dis à Dieu. Baka namwambia Mungu. Vois leur menace. Tazama mashambulio yao. Donne à tes serviteurs. Na leta kwa watumishi yako. Annoncez ta parole. Matangaze neno lako. Comme c'était le temps du royaume. Kama ilikuwa wakati wa ufalme. La terre a tremblé. Oh, duwe mwangu tetemeka. Balijazo wa Roho Mtakatifu. Ils ont commencé à marcher. Bakaanza kutembea. Suivant les lois du royaume. Kadiri ya ufalme, sheria ya ufalme. Ndugu na dada. Ça ne dépend que de toi. Inaelekea paka wewe mwenyewe. Tu dois désormais marcher. Unapaswa kuanza namna ile. Suivant les lois du royaume. Fatana na sheria ya ufalme. Peur à droite. Wanabeba huku ngambo, unaenda ngambo nyingine. Sio vile maisha. C'est comme ça la vie. Ni mwili niko mtu. Ah, je suis animé aussi. Baki alors comme mtu. Reste toujours animé. Et moi c'est que je sais. Bale bengine bana yule. Psaume 82. Psaume 82. J'avais dit. Mungu asema nilisema. Vous êtes de Dieu. Nini ni Mungu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Kwa toto ya ule aliye juu. Mure comme lakini, des presse quelqu'un. Lakini unakufa kama sabato ya bure. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Toi seul. Peke yako tu. Hali yako ya leo. Va changer de choses. Itabadilisha vitu. Et pour terminer comme j'ai dit le mercredi. Na kwa kumaliza kama nilisema siku ya kazi tatu. Tu es notre. Ya kama uko mwamuzi wetu. wanatunga masheria yetu na mfalme wetu. Notre, c'est un adjectif possessif. Maana yake ni kitu kinakuwa ketu sisi. Ils étaient sûrs que Mungu ni wetu. Balikuwa na kikiso kama Dieu était le leur. Frères et sœurs. Duko na dada. Mungu ni wetu. Dieu est à nous. Il est le nôtre. Mungu ni wetu. Il est le nôtre. Il est que les chrétiens parfois on ne réalise pas. Ni paka ba Kristo bale batambuya kama. Que Dieu est le nôtre. Mungu ni wetu. Certainement, Dieu est le nôtre. Hey. Mungu ni wetu. Dieu est le nôtre. Mungu ni wetu. Dieu est le nôtre. Au milieu de plusieurs personnes. Katikati ya watu wengi. Pour d'autres choses. Kwa jambo lolote. Le pasteur vient d'avoir pris. Est-ce que tu réalises? Basi kunaona kwa ile. Ouais, ya Mungu. Mais tu veux vivre comme tout le monde. On a peine à couiller comme un bantu yote. Aujourd'hui c'est vendredi. Léo ne suit pas Kazitan. Je me réconcilie. Na penda tuombe. Nous tenons debout. Tu sima me kanisa mzima. Comme je l'ai dit au début. Qu'est-ce qu'il sema kumwanzo? Ton attitude. Hali yako. J'aime ta présence. Comment ça monte? Ton attitude. Hali yako. Va déterminer ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Itaonesha kile utapokea magharibi ya leo. Va déterminer ce que tu vas recevoir. Itaonesha kile utapokea magharibi ya leo. Refuse ce soir. Katale basi magharibi ya leo. Tous les autres dieux qui dominent sur toi. Miungu ingine ile itawale juu yako. Comment tu sauras qui domine sur toi? Utavia namna gani kama atawala juu yako? Tu verras leur loi. Utaona ufalme wao. Tu verras la loi de la maladie. Ah, utaona masheria ya magonjwa. Alors que ton législateur. Basi mwenye kutungia sheria yako. Alors qu'il n'a que la loi de Dieu. Aeko na masheria ya kimungu. Pourquoi tu acceptes la loi de la maladie? Kwa nini takubali sheria ya magonjwa? Pourquoi tu acceptes la loi de la pauvreté? Kwa nini takubali sheria ya kumaskini? Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Je vous prêche un Dieu vivant. Nasema huyu Mungu mzima. Qui est puissant et capable de changer de choses. Eko na uwezo na mkima kubadilisha vitu. Kama unabadilisha hali yako. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Utaona ile Mungu atafanya. Et ma prière. Na maombi yangu. Sisi tunataka dans une autre dimension. Tiem tuingie katika hatua nyingine. Voir Dieu. Tunapenda kumuona Mungu. Nous voulons voir Dieu. Tunapenda kumuona Mungu. Parce qu'il est présent. Sababu eko tayari. Lève ta main droite. Njoo mkono kwa kuume. Lève ta main droite. C'est un problème de révolte ce soir. Mambo ya kutomboka magharibi ya leo. C'est un problème de révolte. Mambo ya kutomboka magharibi leo. Lève ta main droite. Njoo mkono kwa kuume. On nomme Esaïe 26:13. Esaïe 26:13. Et nous voulons prier. Na tunapenda kuomba. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Je le dis pour ta vie. Hallelujah. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Parle déjà le micro. Parle le micro, ma soeur, ma fille. La Bible dit, Éternel notre Dieu. Bien sûr, mon ami, le Mungu wetu. D'autres maîtres. Mabwana bengine. Dans une autre version, on dit d'autres seigneurs. Masema, mabwana bengine. Que toi en dominé sur nous. Wengine banatawala pa nafasi yako. Mais ce soir. Akini magharibi leo. Minakata. Je refuse. Lève ta voix avec moi. Yanila mkono yako c'est pamoja na Bwana. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Mungu wangu. Mungu wangu. Mungu wengine. Mungu mwingine. Ilitawala pa maisha yangu. Ilitawala pa maisha yangu. Mangaribi ya leo. Lakini mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Mina bakatala. Mina bakatala. Bakatala. Mina bakatala. Abana na droit pa maisha yangu. Abana na droit pa maisha yangu. Abana na droit pa maisha yangu. Abana na droit pa maisha yangu. Maisha yangu. Pa maisha yangu. Ufalme ni paka wewe. Ufalme paka wewe. Ufalme ni paka wewe. Ufalme paka wewe. Sasa prier maintenant. Anza kuomba sasa. Commence à prier maintenant. Oui, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. C'est un vent de révolte. C'est un vent de révolte. Il a katala. Il a katala, Magarinale. Bagno. Thank you. votre prière. Commence à refuser seulement. Commence à refuser. Refuse maintenant. Katala. Katala. Lève tes mains. Un des signes du royaume. C'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Et je prie le Seigneur. Lève tes mains. Sois concentré. Tes yeux fixés sur le Seigneur. Ce sont pas les instruments qui vont jouer. Tes yeux et ton cœur fixé sur Dieu. Que Dieu commence à baptiser les gens dans la puissance de Dieu. Dans l'église, il faut que tous les dons fonctionnent. Le royaume de Dieu ne consiste pas à manger, mais à la puissance. Je prie maintenant par le Saint-Esprit que les dons du Saint-Esprit, signe du royaume, kama ya ufalme, kama ya uwezo yake Mungu, tuitose matawala mengine asikuye sasa pale katikati ya watoto ya Mungu katikati jina la Yesu. Oui, laisse-toi visiter par le Seigneur. Acha Bwana kutembelee sasa. Il est en train de toucher quelques vies maintenant. Eko nagusa maisha mbalimbali ya maisha watu. Il est en train de toucher des vies. Eko nagusa maisha mbalimbali ya watu. Yes. Hallelujah. Rakemosana. Hallelujah. Oui, il est en train de toucher des vies. Eko nagusa maisha mbalimbali ya watu. Ouvre ton cœur maintenant. Fungula tu moyo wako sasa. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Penda fungula moyo wako. Le Seigneur est là. Wana ni tayari. Ouvre ton cœur. Yokongoza ngoza moyo wako. Toi aussi veux te visiter. Na wana penda kutembeleye. Ton jour. Leo ni siku yako. Si tu es là, ne t'en pas demain. Kama na pusa bana uchuka kesho. Aujourd'hui. Leo. Oui. Oui, c'est esprit. Alléluia. Touche maintenant. Gusa sasa. Visite des fous. Tembeleye sasa watu. Sois concentré sur toi. Oui, Kakiri, fais-y, moja. Pierre, il dit, ce don est aussi pour vous. Il n'a pas été et pour tous ceux qui vont croire. Pour voir le monde, on t'a mis. En aussi grand nombre que Dieu va les appeler. Oh, Kakiri, vous qui êtes en train de faire ça. Non, pas celui qui croit. Pour voir le monde, on t'a mis. Que soit rempli. Alléluia. Seigneur, rempli. Rempli. Attends, oui, laisse le Saint-Esprit te visiter. Oui, ça monte. Il n'a pas kupanda. Souffle dans la salle. Et je prie en même temps que Dieu donne les dons d'interprétation des langues. Si tu parles, langue, tu parles, il n'y a pas de souci. Mais je prie que Dieu donne les dons. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est le temps du royaume de Dieu. Oui. Oui, le Saint-Esprit est en train de toucher trois personnes. Il est en train de les toucher maintenant. Et que Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen. Ce soir, Magharibi ya leo, par la puissance du Saint-Esprit, itia uweso wa Roho Mtakatifu, tous les autres dieux qui ont dominé Miungu ingine wale walitawala juu ya maisha yako, qui ont dominé ta maison, walitawala mchumba yako, qui ont dominé tes affaires, walitawala biashara yako, qui ont dominé ce lieu, walitawala nafasi hapa. Aujourd'hui, leo leo, je déclare, ninatangaza, je proclame, hallelujah, et sortons, oh, que c'est la fin de leur domination. L'éternel Dieu. Pas qu'à tout, je bénis ton nom. Reçois l'honneur. La puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Et si tu peux célébrer le Seigneur par des acclamations. Ce temps, nous préparons nos offrandes et la chorale nous donne.